Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Il est clair qu'en archéologie, comme dans toute science, on ne trouve que ce que l'on cherche, ce que l'on connaît. En cela, il n'y a pas de hasard. Toutefois, le terrain livre parfois des surprises qui nous permettent d'entrevoir, de cueillir un bref instant disparu depuis des millénaires. En revanche, en archéologie, comme dans toute science, il faut avoir de la chance. Celle-ci vient de sourire aux découvreurs de l'extraordinaire sanctuaire antique de Pont-Saint-Maxence, exhumé sur un terrain de football et avant la création d'un centre commercial. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Aujourd'hui, et dans un tout autre registre, la chance vient surtout de sourire à mes trois invités. Fanny Chonal, Bertrand Perrin, Bruno Boulestin, bonjour. Bonjour. Bruno Boulestin, vous êtes anthropologue biologique dans le laboratoire PACEA du CNRS à Bordeaux. Fanny Chonal, vous êtes anthropologue de terrain. Bertrand Perrin, archéologue, tous deux chez Antea Archéologie. Merci d'être aujourd'hui dans le Salon Noir, de nous avoir réservé l'exclusivité de votre découverte. Avant d'en arriver à votre grande trouvaille, l'exception, il nous faut planter le décor. En archéologie, tout commence par l'ouverture du terrain. Bertrand Perrin, où se déroulait cette fouille ? Alors cette fouille se déroulait sur la commune de Bergheim, au centre de l'Alsace, au pied des collines sous-vosgiennes. Et donc on a fouillé en pleine campagne, juste à côté du village, sur une surface d'environ 2 hectares. On est dans le Haut-Rhin, c'est bien ça ? On est dans le Haut-Rhin, c'est ça. Alors visiblement, sur ces 2 hectares fouillés, plusieurs périodes se succèdent. C'est une chose qui arrive très fréquemment sur les sites archéologiques, notamment les sites d'archéologie préventive. Nous voici dans la diachronie. Qu'est-ce que vous aviez comme période sur ce terrain ? Alors donc on avait plusieurs occupations de périodes différentes. On en a deux qui sont au néolithique, une autre à la fin de l'âge du bronze et puis une dernière au tout début du deuxième âge du fer. Les datations, ça nous donne à peu près quoi ? À partir de 5300 avant notre ère ? Voilà, c'est ça ? pour la première occupation, c'est vraiment les premiers agriculteurs éleveurs qui arrivent en Alsace. Et donc on se trouve entre 5300 et 5000 avant Jésus-Christ. Et puis la deuxième, on est toujours dans le néolithique mais on est un petit peu plus tard. Alors oui, on est toujours dans le néolithique, on est quand même plusieurs centaines d'années plus tard, hein, 700 ans plus tard. Et donc là, on se trouve plutôt entre 4300 et 3600. D'accord, et puis l'âge du fer, disons que nous sommes dans le millénaire avant notre ère. Pour la période la plus ancienne, ce sont de longues maisons que vous avez exhumées ? Alors oui, on a trouvé les vestiges d'un village donc du néolithique ancien, avec les plans de six maisons différentes. Alors nous, ce qu'on retrouve en archéologie, c'est les trous de poteaux en fait. Donc on retrouve qui forment des plans de maisons hein, qui peuvent être rectangulaires ou légèrement trapézoïdales, qui font en tout cas à Bergheim entre 20 mètres et 30 mètres de long, mais qui peuvent sur d'autres sites atteindre des longueurs beaucoup plus importantes, 50 mètres, 60 mètres de long. On est dans des maisons communautaires ? Des maisons communautaires, ça on ne sait pas, peut-être qui plutôt abritaient des familles ou tout ça. Mais bon, ça c'est des éléments où on ne peut pas répondre en archéologie. Vous avez 6 maisons, mais on peut penser que le village était peut-être plus important. Voilà, on n'a pas les limites du village. Hein. On peut très certainement avoir beaucoup plus de maisons. Hein. Après, combien ? On ne peut pas le savoir parce qu'on a fouillé qu'une partie du village. Vous n'avez aucun sol. Vous me dites, on a trouvé les trous de poteaux, donc les vestiges des poteaux porteurs des maisons. Mais vous n'avez pas les objets au sol, vous ne trouvez pas l'organisation au sein des maisons ? Alors, effectivement, on n'a pas les sols, puisqu'il y a eu plusieurs phases d'érosion. Après, l'érosion est toujours difficile à maîtriser. Hein. On peut penser qu'elle fait entre 50 cm et 1 mètre de profondeur. Et après, nous, ce qu'on va retrouver, donc, c'est en fait les trous qu'ils ont fait à l'époque. Et dans ces fosses, on va retrouver du mobilier archéologique. Et alors, pour cette période, notamment, enfin, surtout de la céramique. Alors justement, cette culture s'appelle la culture de la céramique rubanée. C'est votre période, je crois. C'est une période extrêmement importante parce que c'est l'émergence d'un nouveau mode de vie. Voilà, donc là, on est vraiment au tout début du néolithique. Hein. Donc, on appelle cette culture le rubané, puisqu'il y a un motif de ruban qui est récurrent sur les vases décorés. Et donc, on appelle ça rubané. C'est une culture qui naît dans le coude du Danube. Donc là, à l'extrême est de l'Europe centrale, et ensuite qui va se propager vers l'ouest, hein, le long du Danube, et puis arriver en Alsace, donc vers 5300 avant Jésus-Christ, et après même progresser encore à l'ouest, dans le bassin parisien, et même jusqu'au bord de la Manche. Donc, les premières populations d'agriculteurs sédentaires qui s'implantent dans le nord de la France. Un peu plus tard, le site est à nouveau occupé. Cette fois-ci, ce ne sont plus des maisons que vous avez trouvées ? Alors non, c'est un secteur d'ensilage, c'est-à-dire qu'en fait on a retrouvé des faux silos, des structures creusées pour conserver les céréales, le grain. Et alors ce qui arrive souvent dans ces silos, c'est que ces silos peuvent être réutilisés après pour déposer des restes humains. Alors ces silos, on les construit comment ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment ça marche un silo à grain ? C'est une chose qui ne s'utilise plus du tout. Aujourd'hui, on a des greniers. Oui, ça ne s'utilise plus en tout cas. On creuse un silo. Alors, c'est des silos qui sont quand même très profonds, hein, qui peuvent atteindre 3 mètres de profondeur, avec un diamètre à l'ouverture qui peut être assez réduit, mais qui a tendance à devenir plus grand au fur et à mesure qu'on descend dans le silo. Et donc, on mettait le grain qu'on avait récolté, et ensuite, avec un bouchon pour le fermer, et puis voilà. Et les animaux ne venaient pas le manger, ce grain ? Alors, normalement, non, parce que justement, il était colmaté, donc les animaux n'y avaient pas accès. Fanny Chonal, sur les 58 silos fouillés, sur ces 2 hectares, 14 contiennent autre chose que du grain, visiblement. Oui, effectivement, donc... 14 contiennent des restes osseux humains. Donc ça, c'est ce qu'on trouve, hein, vraiment fréquemment pour cette période. On observe souvent que sur une grosse zone d'ensilage, certains silos sont abandonnés de leur fonction, par rapport à leur fonction première, et servent ensuite de réceptacle à des restes osseux humains. Donc là, 14 sur le site de Bergheim. Certains contiennent des os humains isolés, donc des fragments de crâne, une mandibule, un fémur. D'autres, des inhumations individuelles, donc un seul individu dans le silo. Et d'autres encore, des inhumations plurielles, donc plusieurs individus. Donc on en a avec 2 individus, un autre avec 5 individus. C'est une chose assez fréquente au néolithique de rejeter comme ça des os humains, comme on rejette d'ailleurs autre chose. Alors, le rejet... Enfin, là, ce qu'on observe, c'est vraiment des inhumations en fosse circulaire. On ne peut pas forcément parler de rejet. On parlerait peut-être plus de rejet dans le cadre d'os isolés. Là, on observe quand même une volonté évidente de déposer les individus. Alors la fosse 157 est la plus intéressante. Dans les niveaux supérieurs, vous avez découvert toute une série d'individus, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Donc la fosse 157, c'est une fosse de type silo, hein, avec des dimensions à peu près identiques aux autres. Donc elle fait à peu près 2 mètres de profondeur, un diamètre d'un mètre cinquante environ. Et à peu près 50 cm du fond, on a découvert... les restes osseux de 8 individus, 8 corps, 8 squelettes. Tous ces squelettes se présentent comment ? Alors, tous ces squelettes sont au contact les uns des autres. Les os sont tous au contact les uns des autres. Et ils sont empilés, ils sont entremêlés. Ils forment une sorte d'amas osseux. Quand on est anthropologue de terrain, c'est pas trop dur à fouiller ce genre de choses ? Ça fait en général des très belles photos. La photo est tout à fait extraordinaire, puisque tout s'imbrique, mais ça doit être extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué, oui, bien sûr, effectivement. Il faut vraiment... on y va par passes successives de fouilles, puis de démontage. Ce qui est assez compliqué en général, c'est de comprendre par la suite comment tout s'imbrique. Parce qu'on ne peut vraiment y aller que par niveau. Là, dans ce cas-là, c'était assez compliqué, oui, effectivement. Pour vous, ils ont été jetés dans cette fosse ou tout au contraire, ils ont été simplement déposés ? Alors, on a de bonnes raisons de penser qu'ils ont plutôt été jetés. En tout cas, ils reposent tous dans des positions... des positions qu'on appelle désordonnées, c'est-à-dire sans organisation particulière. Donc ils peuvent être sur le dos, sur le ventre, et les membres sont souvent en position désordonnée. Et est-ce que le regroupement de ces 8 individus recouvre quel type de population ? On a des femmes, on a des enfants, des adultes, des hommes ? À la fois des adultes et des enfants. On a 4 adultes et 4 enfants. Et parmi les adultes, 2 hommes et 2 femmes. Donc on est tout à fait face à quelque chose qui pourrait ressembler à un petit ensemble familial. Est-ce que vous avez, au cours de la fouille, réussi à comprendre l'organisation de cette sépulture ? Est-ce que vous avez vu que tel individu était sur l'autre, sous l'autre ? Est-ce que vous pouvez reconstituer les gestes ? Alors, en fait, c'est assez compliqué au moment de la fouille, parce que quand on regarde cet amas osseux, au premier coup d'œil, on a du mal d'y voir forcément une organisation particulière. Après, c'est en regardant plus précisément qu'on se rend compte que finalement, cet amas osseux correspond à 8 squelettes. Les squelettes étaient vraiment bien connectés. Au moment de la fouille, on essaye vraiment de faire le maximum pour individualiser tous les individus. Mais c'est vrai qu'il y a certains os qu'on ne peut pas attribuer au moment de la fouille, et ça, on le fait plutôt après. Alors, on prend beaucoup de photos, évidemment. Et pour vous, tous ces corps ont-ils été enterrés au même moment ? Est-ce que nous sommes sur une sépulture multiple, pour reprendre le fameux jargon des archéologues ? Alors oui, tous les restes osseux sont au contact strict les uns des autres, sauf un en fait, le tout premier individu qui a été mis au jour est séparé des autres par une petite couche de sédiments, donc lui, a priori, il ne fonctionnerait peut-être pas forcément avec les autres. Mais tous les autres sont au contact strict les uns des autres, on peut penser vraiment qu'ils ont été inhumés en même temps, oui. Donc ça correspond à un moment T bien précis. Exactement. Oui. Ce n'est pas du tout une sépulture collective. Non, non, non. Où on ouvre, on ferme réinsérer des individus. Non, c'est pas du tout ça. Et le maintien en connexion de certaines articulations vont en plus dans ce sens et nous permettent de penser que vraiment on a affaire à un dépôt multiple. Pourtant, au néolithique, on a visiblement une grande diversité des pratiques funéraires. On a ces immenses caveaux, qui sont peut-être un petit peu plus tardifs, hein, ces immenses caveaux de sépulture collective où on inhume 150 personnes. Et puis, on aurait donc aussi ces pratiques multiples, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Bon, là, le cas de cette fosse est un petit peu particulier, mais c'est vrai que, en tout cas, dans ce grand phénomène des inhumations en fosse circulaire, on a des dépôts multiples, oui. Bruno Boulestin ? Oui, alors c'est pas tout à fait les mêmes provinces en réalité. Alors, on a des inhumations collectives qui sont plus tardives, comme vous le disiez, qui se passent après 3500. Mais dans cette période entre 4500 et 3500 avant notre ère, on a 3 provinces. On a donc du côté atlantique et au nord des gens qui inhument sous tertre. Bon, ce sont les mégalithes, les tumulus et les tertres de toutes sortes. Au sud, cernant la Méditerranée, ce sont plutôt des gens qui inhument dans des cimetières en dehors des habitats. Et entre les deux, on a en fait ces gens qui inhument dans des silos, dans des fosses circulaires. Et c'est une province funéraire bien définie, et donc le mérite de cette définition revient à Christian Jeunesse, et qui s'étend depuis la vallée du Rhône, l'Alsace, jusqu'en Europe centrale, la Slovaquie et la Hongrie du Nord, donc avec une continuité. Donc on a vraiment un phénomène cohérent. Fanny Chonal, un des individus est particulièrement intéressant, du moins son crâne. Oui, tout à fait. Donc, c'est l'individu qu'on a retrouvé le plus en dessous de la pile, j'ai envie de dire. Le premier. Enfin, le premier qui a été déposé. Il est un peu particulier par rapport aux autres parce qu'il présente de nombreuses traces de violence, donc notamment sur le crâne, effectivement. Des traces d'impact qui auraient été réalisées sur os frais. En tout cas, les fractures sont fraîches. Avec quoi a-t-il été tué, ce malheureux néolithique ? Bon, donc effectivement, il est probable que ces coups aient entraîné la mort. Et alors, le type d'outil qui a précisément pu faire ce type de coup, bon, bah, c'est pas forcément évident de savoir. Hein, mais, une herminette, une hache, une massue. Voilà, en tout cas un objet perforant. Et puis, il n'a pas que ça. Et il n'a pas que ça. Donc, il a aussi des traces de coups portés au niveau de l'épaule, au niveau du thorax. Mais surtout, on remarque une amputation du bras gauche au niveau du milieu de l'humérus, donc entre l'épaule et le coude. Est-ce que des traces sont visibles sur cette découpe ? Vous avez, j'imagine, dû regarder très précisément. Oui, c'est le cœur de votre métier, de regarder ces petites traces. Oui, bien sûr. On a effectivement tout regardé. On ne voit aucune trace. Par contre, on est sûr que cette fracture a eu lieu sur os frais, donc sur os qui possède encore une trame protéique. Donc. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle que nous évoquons cette étonnante découverte de corps mutilés découverts dans une fosse néolithique du site de Bergheim en Alsace, que Bruno Boulestin, vous êtes anthropologue biologique au CNRS, Fanny Chonal et Bertrand Perrin, respectivement anthropologue et archéologue chez Antea. Bruno Boulestin, un cas d'amputation de cette période avait récemment été découvert, un accidenté à qui on avait arraché le bras, c'est bien ça ? C'est bien ça. On en connaît d'ailleurs deux ou trois autres en Europe, mais bon, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Alors, c'est très différent parce que ce que l'on connaît sont effectivement des amputations a priori traumatiques, bien qu'on ne connaisse pas le mécanisme exact, mais les gens ont survécu et les os se sont cicatrisés. Donc, on sait que ce sont des gens qui ont vécu un certain temps sans leurs bras. Alors que là, on est dans quelque chose qui s'est produit autour de la mort, soit un peu avant, soit immédiatement après, et qui relève probablement d'autres choses. Les traces de coups sur le crâne, c'est une chose que l'on retrouve assez fréquemment dans le néolithique d'Europe occidentale. On a de nombreux sites avec des individus qui ont reçu beaucoup de coups. Le fait de couper un bras, c'est à ma connaissance quasi unique. Pour l'instant, c'est unique. Ce qui est bien en archéologie, c'est que parfois, on va de surprise en surprise. Qu'avez-vous trouvé au fond de cette fosse très, très profonde ? Alors, Fanny Chonal. Au fond de cette fosse, directement sous l'individu qui a été mis à mort, et directement au contact de ce dernier, on a découvert les restes osseux d'un minimum de 7 membres supérieurs gauche. C'est-à-dire que vous avez 7 bras gauches ? 7 bras gauches, c'est uniquement. Ça. Uniquement, tout à fait. Et tous ces bras auraient été coupés du vivant des individus ? Alors oui, a priori, tous les restes, la grande majorité des restes osseux qu'on a pu observer présentent des fractures sur os frais. Et on n'a aucun humérus entier, donc l'humérus c'est l'os du bras, aucun humérus entier. On n'a toujours que la portion qui s'articule avec le coude, on n'a jamais la portion qui s'articule avec l'épaule. Est-ce que l'on a affaire à des adultes ou est-ce qu'on aurait encore des enfants ? Alors, sur les 7 membres supérieurs gauches qui ont pu être individualisés, un appartient à un individu immature, à un enfant. Donc, il est un peu difficile pour nous d'estimer un âge précis. On peut simplement dire qu'il avait moins de 16 ans. Mais on ne peut pas vraiment être plus précis. Mais en tout cas, les os ne sont pas matures. C'est des os immatures, ça ne fait aucun doute. Et ces bras ont été jetés dans la fosse frais ? Oui, alors il semblerait que ses bras aient effectivement été jetés frais. On peut même préciser en observant le maintien en connexion de certaines articulations et en observant également certaines esquilles osseuses qui sont restées en place, qu'on a retrouvées en place sur le terrain, certaines vraiment du gabarit d'une allumette qui sont restées en place. Tous ces éléments nous permettent de penser que les chairs étaient encore présentes au moment où les bras ont été jetés dans la fosse. Alors ces bras, ils ont été coupés comment ? Alors ils ont été, on a quelques indices, donc on a des traces extrêmement impressionnantes sur les humérus en tout cas, plusieurs types de traces, donc des traces qui correspondent plutôt à des enfoncements osseux, d'autres traces qui correspondent plutôt à des stries plus fines, donc on peut penser que les traces plus importantes seraient liées à des coups violents portés avec des outils de type hache par exemple, et les stries plus fines auraient pu permettre la découpe des chairs et des tendons au niveau du bras et aurait été réalisé par des outils peut-être plus fins. Alors, on coupe au-dessus du coude, c'est bien ça ? Exactement, oui. Au-dessus du coude, au milieu. Oui, oui. Alors, on distingue plusieurs choses. On a déjà le fait d'amputer le bras, donc de couper entre l'épaule et le coude. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les avant-bras sont fracturés pour la plupart, donc sur os frais. Et on a aussi les éléments des mains qui sont fracturés sur os frais. Donc on a plusieurs choses au niveau de ses bras. On a la volonté d'amputer vraiment. Et on a également la volonté de briser les avant-bras et de démantibuler les mains, a priori. Vous allez faire des micro-traces ? Vous allez regarder ça au microscope ? Oui, on a déjà regardé à la loupe binoculaire. Et donc ces traces, a priori, sont vraiment, ont vraiment été perpétrées sur os frais. Existe-t-il un lien entre les niveaux supérieurs et les niveaux profonds ? Peut-on penser que le bras appartenant au malheureux néolithique qui a donc pris des coups sur la tête puisse être au fond du trou de la fosse ? Oui, alors bon, évidemment, on a cherché. C'est l'hypothèse tout de suite. Vous avez essayé de recoller les os ? Oui, oui, on a essayé hein, de toutes les manières possibles. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas affirmer que le membre supérieur gauche de cet individu se trouve au fond de la fosse, et on ne peut pas affirmer non plus qu'il ne s'y trouve pas. On a essayé de recoller les os, on a essayé de faire des appariements avec son membre supérieur droit, et on n'a jamais obtenu de résultats vraiment probants. Certains os sont quasi identiques, mais pas totalement. Donc on ne peut pas affirmer qu'ils s'y trouvent, on ne peut pas affirmer qu'ils ne s'y trouvent pas, malheureusement. C'est dommage. En tout cas, existe-t-il une organisation dans la fosse ? Il existe une organisation... Une organisation, est-ce que les bras sont organisés, rangés, les sept bras quand même, jeter sept bras comme ça, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin, mais on remarque non, aucune organisation particulière. Certains bras sont désarticulés, d'autres non, et ils ne semblent pas être rangés d'une manière particulière. Non, ils semblent plutôt avoir encore une fois été jetés. Fanny Chenal, votre hypothèse est que tout cela correspond à un même moment. Vous pourriez nous en retracer les événements ? Oui, oui. Donc, si on réfléchit chronologiquement, on peut penser que tout d'abord, on a procédé au dépôt des membres supérieurs gauche, puis ensuite au dépôt de l'individu 7, donc c'est l'individu qui a été mis à mort. Ensuite... Le dépôt d'autres individus. La fosse aurait été laissée ouverte un certain temps, puis colmatée avec une fine couche de sédiments. Enfin, on aurait eu le dépôt du tout dernier individu et la fosse aurait été, à ce moment-là, colmatée. Pourquoi laisser une fosse avec des hommes à l'air libre ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Effectivement, on a du mal à comprendre. Hein. C'est vrai que là, il faut imaginer quand même une fosse avec un certain nombre de corps en putréfaction à l'intérieur. Bon, comprendre pourquoi, là, je pense qu'on n'y a pas forcément accès. Mais en tout cas, c'est tout à fait particulier. J'ai encore une question encore plus difficile pour vous. Pour vous trois même, qui pourrait être le ou les coupables de ces atrocités ? Qui est capable de répondre à une telle question ? Bah, qui, ça on ne sait pas exactement. Après, bien sûr, alors quand on voit des traces de violence aussi impressionnantes, on pense tout de suite à un conflit guerrier, peut-être entre deux villages, entre deux communautés. Mais après, il peut aussi s'agir de quelque chose, d'un phénomène extrêmement violent qui se produit au sein de la communauté. Bruno Boulestin, une opinion, vous avez vu le matériel ? Oui, j'ai vu le matériel. Bon, il y a plusieurs explications possibles. Comme le disait Bertrand, ça peut être... Bon, on pense immédiatement au conflit armé, donc un conflit soit entre groupes, soit au sein d'un groupe. Pour compléter un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur les fosses circulaires, donc ça correspond à une province, et on a quand même des schémas répétitifs qui montre que ce n'est pas n'importe quoi. Alors pendant très longtemps, bon, ces inhumations dans des fosses circulaires étaient connues, ont été interprétées soit comme ce qu'on appelait des relégations, c'est-à-dire des moins que rien qu'on mettait dans des trous, soit comme éventuellement du sacrifice. Et donc, encore une fois, c'est Christian Jeunesse qui a montré un schéma récurrent qui est celui d'un personnage, d'une personne bien inhumée, on va dire, c'est-à-dire dans une position qu'on appelle conventionnelle, parce que c'est la position classique d'inhumation au néolithique, c'est-à-dire sur le côté, les membres repliés, un petit peu en chien de fusil. Et avec associés donc dans la même fosse un ou plusieurs personnes qui elles ont été jetées. Et donc ce schéma revient, ce qui a fait supposer à un certain moment l'hypothèse de l'accompagnement, donc qui la avait mort été, d'accompagnement. Voilà les morts d'accompagnement. Les morts d'accompagnement, c'est-à-dire ce sont des gens que l'on tue à la mort d'un personnage important pour l'accompagner dans la mort. Donc selon un modèle qui avait qui été établi. En fait, ce sont eux qui se tuent. Pas nécessairement. Il y a les deux cas de figure. Alors, il y a les suivants proches qui peuvent se tuer, mais on trouve ça généralement dans les sociétés plutôt étatiques. Et souvent, ce sont des esclaves, des dépendants de toutes sortes, des prisonniers de guerre que l'on tue. Alors, ce modèle de l'accompagnement reste valide, mais ne sature pas les données. Donc, actuellement, on est en train de réfléchir à autre chose. Notamment, l'hypothèse du sacrifice a été développée par Philippe Lefranc en particulier, et on travaille dessus. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est de la violence armée, mais c'est difficile encore actuellement de dire si elle est plutôt entre groupes ou au sein d'un même groupe. En tout cas, Bono Boulestin, dans l'atroce, cette fosse 157 est visiblement très belle. Il nous faut évoquer l'exécution, le massacre, le supplice. Vous pensez au sacrifice ? Je pense un peu à tout. C'est-à-dire que je n'élimine rien. Alors on pense à la guerre, on pense à la torture. C'est-à-dire qu'on n'a pas de, on n'a pas de modèle pour ce genre de choses. Les gens à qui on coupe les bras, le bras gauche, bon évidemment c'est un geste, c'est pas n'importe quoi. Cette fois ou 8 fois un bras gauche coupé, c'est quelque chose de normé, c'est évident. On pense à la torture, on peut penser au sacrifice, on pense à beaucoup de choses sans qu'on puisse vraiment dire quoi. Et puis jamais on ne saura pourquoi le bras gauche. Ça, il y a peu de chances qu'on le sache, parce que malheureusement, on n'a pas les idées qui vont avec. Des parallèles, il en existe, et il faut citer quelques très très grands sites, Thalheim en Autriche, Exheim en Allemagne, où plus de 500 individus ont été massacrés, voire mangés. Alors, c'est un petit peu plus vieux, mais malgré tout, on est dans le néolithique, et vous travaillez sur ces sites. C'est un petit peu plus vieux, on est vers 5000. 500 et 1000 ans plus tôt, oui, c'est ça, vers 5000 avant Jésus-Christ, donc à l'extrême fin du Rubanais. Donc là, on a des indices de violence de masse qui sont toujours interprétés comme la traduction d'une crise sociale, on va dire, quelque chose qui se passe, ça correspond à la fin d'une période. Bon, là, on est plus tard, donc dans un phénomène dont j'ai dit qu'il était plus vaste, en partie probablement funéraire. Et de toute façon, oui, dans tous les cas, on est dans la violence armée et la violence collective. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui semble, même si la violence est antérieure aux agriculteurs, ces manifestations de violence collective semblent apparaître avec eux. Et puis, il y a même du cannibalisme. Or, il ne semble pas que vous puissiez prouver qu'il y ait du cannibalisme sur votre site. Non, là, c'est compliqué. On ne peut pas l'exclure, mais on ne peut pas le prouver. Bon, la démonstration du cannibalisme, elle est difficile. C'est probablement une pratique qui est sous-estimée. Donc, on ne peut pas l'écarter, mais pour l'instant, on n'a pas d'argument pour l'affirmer. Peut-on dire que dans le cadre d'un nouveau mode de vie, les sociétés néolithiques sont des sociétés qui se complexifient et utilisent désormais le registre de la violence de masse, dans laquelle nous sommes d'ailleurs toujours, mais dans un autre registre bien plus fort ? Oui, probablement. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne en parallèle. Donc, comme je le disais, on a des violences, des signes de violence très anciens depuis le paléolithique, mais ces violences de masse apparaissent en fait avec le mésolithique, les tout derniers chasseurs-cueilleurs, au moment où probablement les sociétés se complexifient. Merci beaucoup. La semaine prochaine, nous serons sur le terrain pour faire découvrir le superbe sanctuaire antique actuellement mis au jour à Pont-Saint-Maxence et sa statuaire tout à fait unique en Gaule. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, attachée d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir de France Culture. Mais dans quelques instants, pas la peine de crier, de Marie Richeux.